Chapitre 200. La Sunna du Asr. 1119. D'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait 4 unités de prière avant le Asr, avec au milieu des salutations, taslim, adressées aux anges rapprochés, ceux chargés d'écrire les actions des hommes et à ceux qui les suivent parmi les musulmans et les croyants. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1120. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui accomplit 4 unités de prière avant le Asr. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1121. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait 2 raka'at avant la prière du Asr. Abu Daoud avec une chaîne authentique.